Allez, les petits amis, vous êtes dans la récompte des durs, allez, je vais remonter, je vous descends, la récompte des amis. Allez, je vous attends, je vous emmène, voilà vos places, vous voyez. Allez, je vous attends, je vous emmène, vous voyez, avancez. Et c'est à toi, allez, le bonbon, les amis, le petit